zero. We have commit. We have liftoff. Ce disque va vous faire revivre une des plus grandes pages de l'histoire de l'humanité, les premiers pas lunaires de l'homme. Écoutez-le attentivement. Il contient un ensemble de documents historiques consacrés à Apollo 11. Mais, attention, nous y avons glissé volontairement plusieurs erreurs. Où sont-elles? À vous de les découvrir. Vous serez à l'heure, peut-être, grâce au jeu Grundig Cosmos 70, l'un des rares privilégiés qui assistera au départ d'Apollo 15 sur le plus grand cosmodrome du monde, Cap Kennedy. Le 16 juillet 1969, décolle de Cap Kennedy, une fusée Saturne emportant d'abord de la capsule Apollo, trois hommes dont les noms resteront dans l'histoire. Neil Armstrong, pilote de chasse recruté par la NASA, il détient le record de la marche dans l'espace. Edwin Aldrin, dit Buzz, pilote de Gemini 2, il a réalisé le premier accrochage dans l'espace. Il décrit lui-même les trois objets déposés par la main de l'homme resteront sur le sol lunaire. Une plaque commémorative du vol, un disque où sont gravés les vœux des différents chefs d'État et un fanion de l'ONU. Et marcher trois fois. Thank you. annonça. Rachote ma sovida. Chuta no sa.